بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال عندك يا حمزة، on a une question là pour toi. L'imam Shafi'i, il a une kunya. Abu man? الله أعلم. عندك يا أبا هند الإمام الشافعي كنيته أبو من؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله، نعم أحسنت. الإمام الشافعي كنيته أبو عبد الله. وفي أي مدينة، في أي مدينة ولد؟ Dans quelle ville il est né l'imam al-Shafi'i, Hamza? Allah alim. T'as déjà entendu parler de l'imam al-Shafi'i? Ouais. Eh non. Dans quelle ville? Bagdad. Bagdad? Oui. Gaza. Hein? L'imam al-Shafi'i, il est né dans la ville qu'on nomme aujourd'hui Gaza, fi Palestine. Wa huwa min Ahl al-Bayt. Il fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Shafi'i. Min Ahl al-Bayt. Tayyib, on avait vu certaines paroles de l'imam al-Shafi'i. Qui c'est qui en a retenu une? Jamil. Al-ilmu ma nafa' wa laysa al-ilmu ma hufid. La science, c'est ce qui a été utile pour la personne. Et ce n'est pas la science ce qui est mémorisé, simplement. Il faut que la science, c'est une chose que tu mettes en pratique. Si c'est juste dans ta tête, mais pas dans tes actions, alors ça, ce n'est pas de la science utile. Ou du moins, ce n'est pas de la science qui t'est utile à toi. Et on a vu que cet imam aussi, c'était un imam sunna. Lahu iddat. أقوال الطيبة في الدفاع عن السنة ومن أعظمها قوله حكم في أهل البدع أو أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم على الحمارة وينادي بهم وينادي عليهم هذا جزاء لمن ترك الكتاب والسنة هذا جزاء لمن ترك الكتاب والسنة. Donc on voit que ces grands, ces awla al-a'imma kanu yu'azzimuna as-sunna wa yu'azzimuna bishakl 'am ta'at Allah 'azza wa jalla wa yabta'idun 'an jami' ma yanha 'anhu Allah subhanahu wa ta'ala wa nabiyyuhu 'alayhi salatu wa salam. Donc ces grands savants, on voit que ils vénéraient l'ordre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il s'accrochait vraiment sur le fait de la mettre en pratique. Donc on avait vu la parole de l'imam al-Shafi'i. قال الشيخ العثيمين ما تضمنه كلام الإمام الشافعي. Donc l'imam al-Uthaymeen va expliquer ce que recèle comme leçon importante la parole de l'imam الشافعي. قال تضمن قال أولا الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. Donc, on prend la parole de l'imam Shafi'i comme quoi on se doit d'avoir la croyance ou de croire en ce qui est venu d'Allah Azza wa Jal dans son livre clair. Et on croit en cela de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que l'on croit. Sans rajout ni diminution. ثانيا الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. Et aussi, il est de même pour la sunna. On croit en ce que est venu le prophète صلى الله عليه وسلم sans rajouter et sans diminuer quoi que ce soit. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمنوا بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. طيب donc il y a dans les paroles de l'imam Shafi'i une réfutation aux gens de l'innovation comme les gens qu'on appelle Ahl al-Ta'wil, les gens qui ont une interprétation erronée, et les gens qui ont comparé Ahl al-Tamthil, ceux qui comparent les attributs d'Allah avec autres. Donc il dit Ahl al-Ta'wil naqasu. Ahl al-Ta'wil, ils ont fait preuve de diminution. Ils ont diminué les sifat d'Allah Azza wa Jal. Et Ahl al-Tamthil, ils ont rajouté. Qui peut m'expliquer ça? Dans quoi ils ont rajouté? Dans quoi ils ont diminué? Ils ont diminué parce que dans leurs interprétations, ils les ont réduits. Le fait de les interpréter, ça donne une diminution. Les limites ou... C'est presque ça. Après, ils n'ont pas pris la perfection. Ils n'ont pas pris à la perfection. Tamthil, c'est ils ont ajouté par rapport à... Tamthil, c'est le fait de comparer. Ouais, je veux dire, ils ont ajouté par rapport aux exemples anthropomorphisme. Ouais, voilà. Ouais, voilà, ils ont rajouté. C'est ça qui fait qu'ils le rajoutent, c'est vrai. Ouais, et Takwi, le fait qu'ils ont interprété quoi. Parce qu'en fait, comme a évoqué Abou Zakaria et Abou Abdillah, Mala, Ahl al-Ta'wil, eux ils ont interprété. Yadullah, la Mala huwa yad. Innama al-Murad, al-Rahma. Bal yadahum absutatan, ay al-Rahma. Eux ils sont venus dans le verset, ils ont dit non, Allah il n'a pas de main. Là, c'est une diminution ou c'est un rajout? C'est une diminution. C'est une diminution. On dit non, Allah, il n'a pas de main, mais en fait, ce n'est juste que la miséricorde. Ou autre. Tamam? Ça, c'est une diminution. Et les autres, ils sont venus, ils ont dit Allah, il a une main comme un tel ou un tel. Là, c'est un rajout. Ce comme-là, c'est. Yani. Laysa lahum. سلطان ليس لهم فيه من سلطان نعم طيب donc on revient dans le matin de l'imam ibn Qudama. قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون. Bon, رضي الله عنهم, on a déjà vu que le mieux c'est de dire رحمهم الله. كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير التعرض لتأويله. Donc là, l'imam Ibn Qudama te dit que ça, c'est le chemin des pieux prédécesseurs. Le fait que lorsqu'ils ont un verset ou un aya, un verset ou un hadith qui parle des sifat, des attributs d'Allah ou des noms. Eux, ils prennent le sens premier et sans discussion. Parce que le sens premier du verset ou du hadith, c'est ce qu'ils prennent et sans même poser trop de questions. Même pour les versets équivoques. Même pour les versets équivoques, c'est-à-dire. Ambigu. يعني الآن القرآن إذا كان ماذا s'il est ambigu, est-ce qu'il est ambigu pour toutes les créatures? Là, c'est en fonction de l'adjet des personnes. Eh, un savant, un stade. C'est-à-dire l'ambiguïté qu'il y a dans le Coran, ce n'est pas une ambiguïté pour toute la création. C'est pour certaines personnes, à l'exception d'autres. Enfin, les versets clairs, ils sont clairs pour tout le monde. Yeah. Parce qu'il y a des versets clairs et des versets ambigus. Les versets clairs, ils sont clairs pour tout le monde. Yeah. Et ambigu, ce n'est pas ambigu pour tout le monde. Ce n'est pas ambigu pour tout le monde. Okay. Tamam. Pour certaines personnes, ils sont clairs. واضح. مثل الشمس. وهذا يحصل كثيرا. تجد أحد من العلي par exemple comme je vous avais évoqué dans le sifat al-malal, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala on peut lui attribuer l'attribut qu'il se lasse? Non, qu'il se lasse. بعضهم قالوا لا نعم وبعضهم قالوا نعم فهمت بذاته il ne peut pas, il se lasse pas de son essence. Mais après, peut-être par rapport aux créatures, je ne sais pas comment dire. C'est comme Allah, il y a des hadiths proposés quand il dit Bani Adam, il m'a fait du tort. Et dans ta, en fait, ah non, il ne fait pas du tort en vrai. Non, il a dit, non, il ne fait pas tout, mais c'est du balard, je ne sais pas comment dire. Il y en a qui vont monter dans le texte, ils vont dire, là, ça veut dire que. Je ne sais pas comment dire. Quand il chasse, il châtie des. C'est peuples. Une manière de parler, tu veux dire. Voilà, tu vois, il y a des. Il y a des mots vraiment qu'on emploie au propre Allah, mais en fait, c'est pas un truc, mais comme quand il dit un châtiment avec du tort, ou Allah il est. Mais là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Yu'dini ibn Adam, halona kadiya? Là? Halona kadiya? Yu'dini ibn Adam, yasub al-dahr, wa ana al-dahr, uqallibu al-layla wa al-nahar. Là, Mohamed il a évoqué un grand point. Le hadith où le prophète sallam il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit certes l'enfant d'Adam me fait du tort. Mohamed, si on comprend bien tes paroles, c'est pas à prendre au sens premier. C'est pas vraiment quand Allah me fait du tort, quand on fait du tort à une créature. Un tort, hein, quand tu vois un mot propre, c'est vraiment. Akid. Tu fais, c'est une faiblesse que tu fais. Akid, mais est-ce que. Yani, hunaka adiya, est-ce qu'il y a un tort de fait? Là, Allah ne fait pas de tort. Je sais pas comment dire ça, je sais pas comment dire. On ne donne pas son rap. Bon, c'est un frère. C'est ça, c'est qu'on ne donne pas le droit qu'on ne donne pas lui. Yardiz, pardon, d'aller qu'à Yardiz, vous voyez, Yardiz, vous voyez, n'est-ce pas? T'as vu, mais là, personne n'a répondu. Là. Est-ce qu'il y a un tort ou pas? Pour moi, non. Pour toi, non? Oui. La personne a fait du tort à elle-même, en fait. La personne a fait du tort à elle-même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala yaqul yu'dini. Il me fait du tort. Yu'dini ibn Adam. En l'associant, non? En l'associant? Si on l'associe, ça lui nuit en rien. Ça, ni ça lui rajoute, ni ça lui fait du tort. qui laisse le sens de la parole? Apparente. Dans son sens apparent. Qui? Vous tous? Hein? 3. Là, il n'y a pas de réponse. Là. C'est vrai. Je me disais, Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Uthaymeen, dans le kitab de Tawhid, que l'adiyya est thabita. Le tort, il est confirmé. Il est confirmé parce que ça, c'est un hadith. Muttafaqun alayh. Il a atteint le plus haut degré de l'authenticité, ce hadith-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien parlé de ces paroles-là en disant Yudin ibn Adam. Taïb. Maintenant, est-ce que la adiyya, le tort, il est comme le tort que nous on conçoit? Non. Non. Ma foi. Comme ça, là, c'est pas le tort que nous on conçoit que soit ça lui fait mal, soit ça lui. Non. Hacha wa kalla. Lakin, nuthbit ma athbatahu Allah. عز وجل تمام نعم وعليكم السلام طيب bon, pour revenir à c'était quoi la parole on était sur quoi pour en être parti sur ce sujet cela ouais نعم c'est صفات الملل بعضهم اثبتوه وبعضهم نفوه tout ça à cause du hadith ان الله لا يمل حتى تمل. Certes, Allah ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous lassiez. La compréhension du hadith. Jusqu'à ce que vous vous lassiez. Ça veut dire que si vous vous lassez, Allah se lasse. Certains, ils l'ont compris comme ça. Tamam. D'autres, ils l'ont compris dans le sens où Allah, il ne se lasse pas. Inna Allah la yamil. Khalas, c'est ça qu'on regarde. Allah, il ne se lasse pas. Tamam. Enfin, ce genre de choses, ça peut poser un ishkal. Pour certains savants, comme c'est, ça peut être clair, c'est pour certains autres. Cheikh Al-Uthaymeen, مثلا, أشكلت عليه هذه المسألة وقال ما أرى أنه ثابتا. Je ne vois pas qu'il est que ce sifa il est confirmé à Allah Azza wa Jalla. لكن si toutefois هناك أحاديث يثبتون فقولي هو الإثبات. Mais si toutefois on trouve qu'il y a des hadiths qui confirment ce sifa, alors je le confirme. Mais je dis que cette lassitude n'est pas comme la lassitude que nous connaissons. Tamam? On sait c'est quoi le sens du mot lassitude, mais le comment, ça on ne le connaît pas. Tamam? Et ça c'est des bases, c'est des bases. Dans toute chose, vous allez. Si la aqidah, vous la prenez comme ça. Qalilan, qalilan. Mais avec des bases solides, même si quelqu'un vient vous ramener la parole de l'imam Ahmed ou de l'imam, n'importe quel imam, vous saurez alors comment répondre à son ambiguïté, si toutefois il vient avec une ambiguïté. Tamam. Taïb, qala. Donc là, on a terminé sur cette espèce de. Cette sorte d'introduction. Qala, ba'd dhalik. الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. Donc là c'est un nouveau chapitre sur la motivation de pratiquer la sunna et la mise en garde de tomber dans l'innovation. وقد أمرنا بالاقتداء. قال وقد أمرنا بالاقتداء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم وهذا حديث عظيم جدا حديث عرباض بن السارية. عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. Donc là, l'auteur, il vient avec des paroles qui enjoignent à la pratique de la sunna et qui mettent en garde contre le fait de contredire la sunna. صراحة يا إخوة الذي يطبق السنة يطبق السنة يسلم من كثير من الضلالات والانحرافات والخرافات. Celui qui s'accroche fermement à la sunna, hein, dans ses paroles, dans ses faits et gestes, dans dans toutes ses actions, il essaie de suivre la sunna. Fil masjid, fil bayt, fil shari', fil amal. Kulli ma huwa fi yutabbiq as-sunna wa yuhawil an yataqarrab aqrab ma yakun min as-sunna fayaslam min al-fitan wa yaslam min ash-sharr kullu. Fa inna sunnata najah. السنة نجا من ركب فيها نجا كما قال بعض السلف ها celui qui s'applique à appliquer la sunna il va être préservé de bon nombre d'égarements, bon nombre de pensées erronées, bon nombre de glissades dans sa religion. N'aim. Celui qui suit la sunna dans la mosquée, celui qui suit la sunna dans la rue, celui qui suit la sunna dans sa maison, celui qui suit la sunna fi jami' ma huwa fi. Wa hadha huwa al-matlub aslan. Et c'est ça qui est recommandé aux musulmans. Qui suivent la sunna, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur et ne suivez personne d'autre parmi les alliés. Suivez ce Nabi. Taraktukum ala al-bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha illa halak. Je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour. Ne s'en écarte qu'une personne qui court à sa perdition. Wal asr innal insana lafi khusr. Hada saraha al-akh Omar wafaqahu Allah a'tana maw'idha 'azima fi al-khutbah al-madiyah 'azima fi hadhihi as-surah. وفعلا هذه سورة تستحق التدبر والتأمل. إن الإنسان لفي خسر. الله سبحانه وتعالى يقسم أن الإنسان كلهم كبيرهم وصغيرهم أبيضهم وأسودهم أغنياؤهم وفقراؤهم كلهم في خسارة وضلالة وتعاسة وتعب وشدائد وشدة ونكد كلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. فالله سبحانه وتعالى استثنى من الحصارة والهلاك هذه أو هؤلاء الأصناف الذين آمنوا أي العلم النافع. لا يأتي الإيمان إلا بالعلم النافع. نعم. وعملوا الصالحات يطبقوا ما عملوا تمام. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. فيعني على الإنسان أن يتمسك بالسنة حياته. قال ماذا؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نعم. فكل ما أحدث في دين الله مما لا ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع. فالحذر الحذر من البدع والضلالات. Donc il faut prendre garde sur le fait de délaisser la sunna et de tomber dans la bid'a. Wa fil haqiqa ma tarakat sunnatun illa ja'a ubdilat bi bid'a. Non, il n'y a pas une sunna qui a été délaissée sans qu'elle ne fût remplacée par une bid'a. والنبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله سبحانه وتعالى il l'ordonne à la meilleure des créatures qui est foulée cette terre là de dire quoi. قل إن صلاتي دي ma prière ونسكي et mon sacrifice ومحياي ومماتي لله رب العالمين ma vie et ma mort est pour Allah Azzawajal. La rien. La rien. Anta, yani, ij'al hayatak kulluha lillah. سيأتيك الفوز وسيأتيك السرور وسيذهب عنك الهموم والغموم والأحزان. لماذا؟ لأن حياتك كلها لله. Lorsque tu mets ta vie dans les mains d'Allah Azza wa Jal et tu fais en sorte que ta vie soit que pour Allah Azza wa Jal, c'est là que tu vas trouver le fauz. C'est là que tu vas trouver le bonheur. C'est là que tu vas trouver le contentement. طُوبَ لِمَنْ رُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ مِمَّا آتَى. نعم. على كل حال هذه كلمة نافعة. طيب donc là déjà on va voir plusieurs مسائل assez importante. طيب la première تعريف السنة. C'est quoi la définition du mot السنة في اللغة؟ السنة هو ايش في اللغة؟ الطريق. الطريقة والسير. Le chemin ou le cheminement. طيب. واصطلاحا et en ce qui concerne le linguistique des gens de la aqida, قال ابن رجب السنة هي الطريق المسلوك. السنة هي الطريق المسلوك. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب السنة هي الطريق المسلوك. هي الطريق المسلوك. C'est le chemin emprunté. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. Et ça comprend le fait de s'accrocher sur quoi était le prophète sallam, ou à ce sur quoi était le prophète sallam. والخلفاء الراشدون, ainsi que les quatre califes bien guidés. من الاعتقادات والأعمال والأقوال. من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وهي السنن الكاملة. Que ce soit dans les croyances, dans la croyance, dans les œuvres et dans les paroles. Et ça c'est عظيم. C'est adim. Le fait de suivre la sunna, c'est de suivre ماذا هؤلاء الصالحين في الاعتقادات, en ce qui concerne les croyances, وكذلك الأعمال, et aussi dans les œuvres, وكذلك الأقوال, et aussi dans les paroles. نعم. وكلنا عندنا قصور. On a tous des manquements à ce sujet. Là, qu'une cette vidéo va carré. Mais c'est pas parce qu'on a des manquements qu'on doit se laisser aller. Ma kana min al-khata, tubna min wa radi'na ila al-sawab. Wa ma kana min al-sawab, sabarna alayh wa makathna fi hadha al-khair. Donc si toutefois dans notre cheminement, on s'est trompé, on a commis une erreur, on a fait des choses qui contredisent la sunna, qui contredisent les œuvres de ses pieux prédécesseurs, alors on revient à Allah Azza wa Jal avec un repentir. Et on se remet sur le droit chemin. Ça arrive. Et si toutefois on était conforme à la sunna, فنصبر عليه. Qu'on reste ferme sur ce cheminement et qu'on ne parte pas de droite à gauche. فإن السوارف عنها كثيرة. Parce que les choses qui te détournent de la sunna, ils sont nombreux. وأولهم شيطان. عياذا بالله. هو يريد بأي وسيلة أن يخرج السني من السنة وأن يخرج المسلم من الإسلام والمؤمن من الإيمان بأي وسيلة فاحذروه. الله سبحانه وتعالى قد حذركم منه في القرآن الكريم وقال يعني أبلغ وأفصح اللغات قال لكم ولا تتبعوا خطوات خطوات الشيطان. Et Allah il vous a parlé dans le Coran, il vous a dit par la parole la plus éloquente pour vous faire comprendre le danger de suivre le diable. Il a dit ne suivez pas les pas du diable. فتأملوا يا معشر المسلمين أنه ما قال ولا تتبعوه. Et Allah il a pas dit ne le suivez pas. Il a dit ne suivez pas ses pas, ses traces. Ça c'est pour te faire comprendre que tu dois être encore plus loin que de le suivre. Là, on te parle de juste ses pas, ses traces. Tamam? Atharo, tajtanibo. Na'am. Fa la yadhunnu dhann. Que personne pense que une mukhalafa la ba's. Ouais, c'est qu'une mukhalafa. Demain, yani la ba's, ma fi hisab, ma fi hachi. بسبب مخالفة واحدة ربما ماذا يختم الله على قلبك. Juste avec une seule مخالفة, une seule contradiction avec le kitab et la sunna, il se peut qu'Allah سبحانه وتعالى يسال ton cœur. فكانوا السلف في شدة الخوف من المخالفة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في كل شيء يذكرون عن ابن سيرين. ابن سيرين c'était un grand commerçant. Imam ibn Sirin, ils sont deux frères, Mohamed et Anas. À la kulli hal, c'était un grand commerçant, Mohamed. Un grand commerçant, et il vendait de l'huile. Un grand commerçant d'huile. Et en même temps, c'est un imam, c'est le hadith. Hein? Un jour, il a eu un conteneur. Ou un baril d'huile dans lequel est tombé un rat ou une souris. Ça va? Est-ce que vous pensez qu'il a, il a vendu quand même cette, de cette huile aux musulmans ou aux gens? Alors que bon nombre de gens de notre époque, ils l'auraient fait. C'est un baril. On va dire, c'est pas possible que la souris, elle a contaminé toute l'huile. C'est un baril. Mais malgré tout, il a jeté le baril à la mer ou aux ordures. Non. Min shiddat khawf min man. À cause de sa grande peur de qui? D'Allah Azza wa Jal. Wa nahnu lil asaf al-shadid wa nasal Allah an yusaddidana wa an yuthabbitana ala al-haq. Tu vois, nous, malheureusement, lorsqu'on est au travail, on oublie ce genre d'œuvre que ces salafs ils avaient l'habitude de pratiquer. De craindre Allah Azza wa Jal fi kulli makan. Hatta fi l'amal. Na'am. Wahad sa'alani, qabla yawmin, sa'alani an al-muhasabat al-waqt. Lorsque tu arrives au travail, tu as un temps, tu marques ton temps où tu es arrivé et le temps où tu es parti. Il me dit, est-ce que je peux marquer le temps, moi j'ai fini plus tôt, mais je marque le temps, je rajoute sur le temps. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est normal? Cela, il me dit, est-ce que ça rentre dans le mensonge? Naam. Naam. أنت تشتغل والمال يعني لا تظن أن هذا المبلغ هو من قبل هذا المدير وهذا faut pas s'imaginer que l'argent qui nous vient c'est uniquement et simplement qui vient de la poche de ce chef d'entreprise ou de ce patron. أولا هذا رزق من الله عز وجل فخذوا بالحلال الزلال. Pour ça, il faut le prendre, ce risque-là, il faut le prendre d'une manière claire et pure. Sans le moindre. L'œuf ou le dawara. Khoud malak bil halal. Ou la ta khoudhu bil shubuhat. Naam. A la kulli hal, la sunna, c'est le fait de suivre le prophète alayhi salatu wa salam et les plus prédécesseurs dans toutes ces choses-là. Wa naktafi bi hadha al-qadr. Thank you.